Dimanche, le 1er mai, c'est la Grande Marche pour la forêt. Ici Jean-Pierre Boivin, président d'Alliance Forêt Boréale. Je vous invite à vous joindre aux élus municipaux et aux travailleurs de la forêt pour affirmer votre appui à l'exploitation durable de notre ressource forestière, créatrice de richesses chez nous. Soyez au rendez-vous à 11h à l'Hôtel de Ville de Saint-Félicien. La foresterie, c'est aussi une solution au changement climatique. Les Saguenay de Chicoutimi ont créé l'égalité contre les Sea Dogs de Saint John. C'est maintenant 1-1 dans la série. On a la série qui se transporte ici même dans la région à compter de demain soir. La question est de savoir comment on pense du côté du Sea Dogs Saint John. On rejoint le défenseur Simon Bourque qui appartient au Canadien de Montréal. Salut Simon. Simon, c'était toute une série, c'est vraiment une série intéressante entre les deux formations. Est-ce que vraiment là, les Saguenay livrent une bataille plus importante que l'organisation des Sea Dogs le pensait? Non, aucunement. On sait que Chicoutimi est une très bonne équipe. On s'attendait vraiment à une série très compétitive. Comme je l'ai mentionné, on sait qu'on est une très bonne équipe. C'est pas pour rien qu'ils sont dans le corridor en ce moment. Donc ça va être une série qui va être très difficile à disputer. Puis on s'attendait aucunement à une série qui allait être facile. OK. Simon, est-ce que la grande glace, parce que je vais te poser la question que je posais aux joueurs des Huskies, la grande glace des. Est-ce que ça peut être un avantage pour les Saguenay de Chicoutimi dans cette série-là? C'est sûr que ça fait une différence, là, veux pas. Il y a beaucoup plus d'espace sur la glace. Je te dirais que pour eux, de pratiquer, de jouer beaucoup sur cette dimension-là à l'année longue, ça pourrait jouer en leur faveur. On sait jamais, ça reste du hockey, mais c'est sûr que la grandeur de la glace, là, ça fait une différence. OK. Je parlais avec Marc Fortier, qui est mon collaborateur à hockey, puis Marc, qui est Nature Saguenay, disait que la pression est du côté des Sea Dogs Saint John maintenant. Les Saguenay ont fait ce qu'ils avaient à faire. Est-ce que tu es d'accord avec ça un petit peu? Écoute, je pense pas qu'il y a de pression à avoir d'aucun côté. Là. C'est, comme j'ai mentionné, on s'attendait à une série qui allait être très difficilement disputée. Puis on sait que les Saguenay ont une très bonne équipe. On sait qu'ils vont travailler fort. On a pu le voir contre Rwanda. C'est pas pour rien qu'ils se sont rendus jusqu'ici. Donc on sent pas de pression plus qu'il faut. On veut juste se concentrer match par match puis aller faire notre job. Simon, j'ai entendu quelque chose, puis là, ici au Saguenay, c'est sûr qu'on est partisans pas mal. Puis on essaie de se convaincre que les Saguenay ont des chances. J'ai trouvé ça pas bête comme argument. Il y a quelqu'un des Sea Dogs Saint John, pas des Sea Dogs, mais il y a quelqu'un qui m'est arrivé qui disait que les Saguenay ont un esprit de corps, ils ont tellement de joueurs tellement de bon esprit d'équipe. Du côté des Sea Dogs, il y a des joueurs qui ont quelque part qui ont été repêchés, puis on a plus la tête à la Ligue nationale qu'aux juniors actuellement. Et ça pourrait être un avantage pour les Saguenay. On essaie de se convaincre, là. Est-ce que du côté des Sea Dogs, on pense vraiment juniors encore, on pense vraiment à cette série-là où certains ont déjà la tête à peut-être la Ligue nationale? Non, il y a. Je pense pas qu'il y a des joueurs ici qui pensent à la Ligue nationale. Je pense pas que c'est la priorité pour le moment. Notre priorité, c'est les Saguenay Chicoutimi, c'est la saison qu'on joue en ce moment. Écoute, tout le monde veut gagner ici. Je pense qu'il y a personne qui se rend jusqu'ici en ayant l'esprit ailleurs. On a une équipe qui est soudée, j'ai rarement vu ça. Pour l'avoir gagné avec Rimouski en 2015, je pense que on avait déjà là une équipe qui se tenait beaucoup, mais dès que j'ai été changé puis je suis arrivé ici, j'ai vu déjà l'ampleur de la solidité entre les joueurs. C'est on a vraiment une belle équipe ici, puis tout le monde s'apprécie, tout le monde est concentré sur notre objectif, puis il y a vraiment pas de gars qui ça leur tente pas, là. C'est vraiment pas possible, non. OK. Simon, vraiment dans le match de mardi, de samedi, j'ai vu Saguenay en deuxième période avec quand mené c'était 14-0 d'un tir au but. Puis est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que vous avez été vraiment ou c'est les Saguenay qui jouaient vraiment bien? Non, mais comme je t'ai dit, écoute, ils ont vraiment une très bonne équipe. Ok. Dis, là, on prend personne à la légère, puis tu sais, on ici à Saint-Jean, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que ça allait être facile pour nous, qu'on allait passer par-dessus tout le monde, mais il y a des très bonnes équipes dans le circuit ici, puis il y a chaque match sont difficiles, puis c'est pas ça sera jamais facile, tu sais, puis faut leur donner crédit. En deuxième période, ils sont sortis extrêmement forts. Maintenant, c'est à nous de s'assurer qu'on sort avec la même intensité. OK. Simon, je veux juste parler de le carré d'as. Il y a deux équipes des Maritimes. Si jamais Charlottetown et St. John s'affrontent, est-ce que ça peut être bon pour le junior majeur, ou ça peut être bon aussi pour la Ligue de hockey du Québec pour un an, pour un petit peu pour faire progresser le hockey des Maritimes? Oui, pour moi, selon moi, ce serait une très bonne chose. Dès mon entrée dans la Ligue junior, j'ai pu voir que les Maritimes étaient un peu sous-estimés. Okay. Peut-être avec raison dans les années précédentes, mais je pense que les Maritimes, premièrement, ont une très bonne division cette année, okay, avec des très bonnes équipes. Mais je pense que ça peut être très bon pour la Ligue, pour les joueurs qui rentrent dans la Ligue, qui vont avoir une meilleure, peut-être, vision des Maritimes. OK. Dis-moi, en terminant, t'as parti au Canadien de Montréal, c'est ta dernière année. Ouais. C'est ta dernière année. Comment tu vois ça à Laval l'an prochain? Je veux pas m'avancer parce que j'ai encore un travail à faire. J'ai pas fait l'équipe encore non plus. Mais par contre, c'est sûr que pour moi, ça serait génial de pouvoir amorcer ma carrière professionnelle l'année prochaine à Laval. Par exemple, il y a rien de fait, mais c'est sûr que ça serait un scénario rêvé pour moi. OK. Là, tu vas être un petit peu en compétition avec un gars comme Victor Mété? Ou Mété pour l'an prochain? Mété, ouais. Un an de moins que moi, donc il ne peut pas faire le saut chez Poisson l'année prochaine. OK, l'année prochaine, OK. Mais on a complètement deux joueurs différents. Okay. Et on a deux styles très différents. Toi, si tu compares un défenseur de Ligue nationale, c'est qui? Mm-hmm. Je te dirais Alec Martinez des Kings de Los Angeles. OK, bon, les deux sens. Oui, exactement. Les deux sens à glace, c'est hyper. On le remarque pas trop, mais il fait la job sans faire trop d'éclat. OK. Ben Simon, bonne chance. Bon succès avec les Sea Dogs, j'espère. Nous autres, on aimerait bien que tu perdes, mais ça c'est. On espère grandement, puis merci beaucoup pour l'entrevue. Il n'y a pas de problème. Le défenseur des Sea Dogs St. John, Simon Bourg.